agriculteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue. Truc de malade. Truc de psychopathe. Truc de fée. Truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Non, pas Saran. Un général. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminé dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Bonjour, bonsoir. Vous êtes au fond près du radiateur sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On est en compagnie de pas mal de monde ce soir. Bonsoir, Diane. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Mouloud. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc comme je le disais, on est mardi, il est 19h et des poussières, vous êtes avec nous pour 1h30 de direct, 1h30 de bonheur et 1h30 de lutte. Au programme de ce soir, on va parler pas mal du Brésil, on va parler d'un petit Brésil qui est un petit peu en ce moment pas tout à fait à l'aise, hein, on s'en rend compte. Avec l'élection de Bolsonaro, donc élu démocratiquement, entre guillemets, aux dernières élections présidentielles. On reviendra dessus un petit peu plus tard. On parlera également du parc Hayat, qui est actuellement en grève. Donc le parc Hayat, rue de la Paix. Rue de la Paix. Il était prévu qu'il devait y avoir du boxon. Ce matin à Madeleine, j'ai pas plus de nouvelles que ça, mais ça a mouchardé sec. Très bien, donc on reviendra dessus un petit peu plus tard avec Robinson. Également, on va parler un petit peu avec Diane d'Accepter Strangeur. On va parler un petit peu du Brésil. On va parler de quoi, Diane ? On va parler déjà d'Accepter. Ce serait bien. Accepter Strangeur, de ce que l'on fait. On va parler aussi des conséquences directes de l'élection de Bolsonaro. On va parler directement de ce que ça implique pour Accepter, ce que ça implique pour les personnes trans brésiliennes. Et aussi le retour de l'effet de la loi immigration, asile-immigration, il y a un impact dessus de cette loi qui est assassine, entre autres. D'abord, je voudrais aussi dire que on est très content de vous accueillir dans notre émission. Ça fait plusieurs temps qu'on souhaitait vous recevoir, donc c'est un plaisir. Et c'est vrai que c'est pas pour parler de choses très sympas, mais quand même, je voulais quand même le souligner, et que au fond, ça permet aussi de cette émission au fond près du radiateur, qui est diffusée le mardi, comme vous le savez. Et aussi, paraît-il, rediffusé les vendredis, eh bien, ces chroniques, elles ont pour rôle de mettre une visibilité dans un milieu où c'est moins visible, entre guillemets, c'est le milieu militant d'extrême gauche. Et on considère que c'est important aussi que cette parole soit diffusée par les acteurs eux-mêmes et pas par on dit je ne sais trop quoi. Et l'autre chose, c'est de montrer aussi sur cette radio qu'il y a une multitude de militants, d'hommes, de femmes, quels qu'ils soient, leur X ou Y, je ne sais pas trop quoi, et qui sont aussi des acteurs. Et c'est ça qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on aimerait bien que régulièrement, avec tous nos chroniqueurs, ACT UP et d'autres associations, soit soit présente dans des chroniques régulières, voilà. Et en tout cas, on est content de vous avoir, voilà. Je vous remercie, on est content, Acceptes est content de venir. Enfin, moi, je suis content de venir et Acceptes aussi par la même occasion. Je me présente un peu peut-être, je suis la coprésidente d'Acceptes Transgenre. Acceptes Transgenre, ça a été créé en 2010 par des personnes trans, migrantes, travailleuses du sexe, atteintes du VIH. Et ça a été créé pour les personnes trans, migrantes, travailleuses du sexe, atteintes du VIH. Merci beaucoup Diane, merci Mouloud. Donc comme je le disais, on parlera d'Acceptes T et on partira ensuite sur une petite rubrique musique, oui, par Alexis. Et avant ça, bien sûr, une petite pause musicale parce que ça fait plaisir. Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond près du radiateur, et nous sommes ce soir avec Christophe. Bonsoir Christophe. Ben Christophe, donc militant syndical, qui va vous parler effectivement du problème qu'il y a à Hayat, mais qui est un problème, je dirais, qui est vieux comme le monde, et je dirais que le leader de la grève, enfin le leader, l'organisateur de la grève, en la personne de Claude Lévy, que vous avez sûrement vu passer sur vos ondes, avait déjà alerté le problème sur la sous-traitance, qu'il était ni plus ni moins qu'un nivellement vers le bas des conditions de travail. Il avait réussi, fort heureusement, à trouver des vides juridiques, et à faire ce qui est par le biais de sa brochure reconstruire la communauté de travail. Il avait réussi à faire en sorte que les gens et c'est toujours sa lutte, c'est que les gens qui sont dans la sous-traitance, c'est-à-dire qui font le ménage, se fassent internaliser ou aient les mêmes avantages que ceux qui travaillent dans les hôtels. Manque de bol, cette brochure aussi est arrivée sur le bureau du ministère du Travail. Et maintenant, il est impossible qu'il y ait une passerelle. Avant, on pouvait faire cette passerelle. C'est-à-dire que quand vous étiez dans une sous-traitant pendant plus d'un an, vous pouviez prétendre être déjà, dans un premier temps, voter aux élections de la société utilisatrice et être même inscrit sur les listes de la société utilisatrice. Donc, il y avait jonction entre le sous-traitant et ça, bien sûr. C'est pas ce qu'on voulait. Ce qu'on veut, c'est diviser. Même ubériser. Après, c'est ubérisé. Mais maintenant, à l'hôtel Hayat, où ils sont en grève depuis maintenant un mois et... Je sais plus. C'était avant-hier qu'on s'est vu. C'est ça, voilà. Donc, un mois et deux jours, puisqu'ils fêtaient leur mois de grève. Donc on s'est vu devant rue de la Paix, c'est ça ? Rue de la Paix. Donc il y avait un repas et en même temps une prise de parole. Prise de parole et puis ils font effectivement cette espèce de tintamarre et ce joyeux merdier. Vous pouvez y passer, ça y est, presque tous les jours, avec plus ou moins de sympathie vis-à-vis du quartier. Donc c'est ce que je vous dis. Donc pour revenir à ça, Claude Lévy, ce qu'il voudrait, lui, c'est presque ce que nous voulons tous, c'est effectivement qu'on bosse tous. Si on bosse tous au même endroit, on va tous avoir les mêmes droits. C'est le principe de base. Qui paraît relativement logique. On demande pas la révolution non plus. Ça viendra où on sera tous égaux. Ça viendra un jour. Mais en attendant, pour l'instant, si on bosse au même endroit, si après c'est les mêmes personnes qui nous donnent les ordres, si on fait à peu près les mêmes tâches. Les mêmes droits, et surtout que l'hôtel est un hôtel très chic, bourgeois, ultra bourgeois. C'est vraiment la grande bourgeoisie, on est en train de parler. Donc la chambre la moins chère est à 500 euros. Voilà. Et les suites sont à 16 000 euros la nuit. Donc ça vous donne une indication du tarif horaire et de l'argent qui peuvent se faire. Le bâtiment, lui tout seul, doit coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Et c'est effectivement l'entreprise une holding qui est basée à travers le monde. Et c'est un Américain, je crois, qui est propriétaire. Et en l'occurrence, donc, il y a cette grève face à quelqu'un qui a des hôtels à travers le monde. Et ce ne sont pas des petits hôtels Formule 1, mais bien des 5 étoiles, service ultra bourgeois. C'est pour la bourgeoisie. 5 000 euros, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Voilà, ça donne l'indication de quoi on est en train de parler. Et effectivement, ils sont en train de mégoter sur... quelques milliers d'euros et ils envoient les flics, etc. Et surtout, ça dit quelque chose, en fin de compte, de ce que c'est que, y compris la haute couture, la haute restauration, le grand hôtel 5 étoiles, le côté très français, etc., de ce que ça veut dire le fric. Et elle se base effectivement, et là on le voit au niveau des salaires, on parle de 900 euros pour certaines personnes, on voit effectivement ce que ça veut dire faire du fric, c'est d'abord sur le dos des salariés, et comme le dit le camarade, demander les mêmes droits pour tous dans un même lieu de travail, ça paraît tellement évident, tellement bizarre qu'on doit faire grève pour dire... pour un même travail, un même salaire, pour un même lieu de travail, une même condition de travail. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du basique, mais visiblement, il faut faire grève, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut rajouter. Que vous pouvez toujours soutenir les postiers, soutenir les grévistes d'Ayad, il y a un pot commun, vous allez sur pot commun, grève Ayad, et là, vous pouvez toujours soutenir la caisse de grève, parce que c'est toujours... Hélas, dans ce monde capitaliste, l'argent qui est le nerf de la guerre, il faut quand même il faut bien payer les factures à la fin du mois et remplir le frigo, soit dit en passant. Donc ça, c'est essentiel. Je pense qu'il y a d'autres rassemblements. Et puis, je pense qu'on... Il y avait un rassemblement aujourd'hui. Alors, il y avait effectivement convergence des luttes avec... Alors après, là, justement, convergence des luttes avec un restaurant qui s'appelle le Étienne Marcel. D'accord, je ne connais pas du tout. Je vous fais une petite parenthèse. Donc là, c'est effectivement... Là, c'est... Si vous êtes revendicatif, on va vous casser. Et comme par hasard, le Étienne Marcel a réussi. Là encore, c'est le chic à la française. C'est dans le quartier Montorgueil, dans le quartier Montorgueil. C'est le chic à la française. Donc là, avec des menus très chers que vous ne pouvez pas vous offrir, soit dit en passant. Et je croyais que c'était bon. Oui. Et bah, là encore, effectivement, c'est le gros paradoxe de la restauration. On dit que c'est un secteur sous tension. Donc, si on obéit à la loi de l'offre et la demande, les salaires auraient dû bouger. Moi-même, je suis informaticien. Quand il y a eu pénurie d'informaticiens pour le bug de l'an 2000 et pour le passage à l'euro, mon salaire a tout simplement doublé. Et ben dans la restauration, devinez ce qui se passe. Non, les salaires ne bougent pas. Par contre, du travail dissimulé, du travail aux blagues, du travail sans papier, là, il y en a à voiture, voilà. Et quand les gens veulent ouvrir leur gueule et veulent commencer à mettre leur nez dans les affaires en disant « nous, on va prendre nos affaires en main », et ben c'est ce qui se passe à l'hôtel Étienne de Marcel. On leur demande le licenciement. Alors pour résumer ce qu'on vient de dire, c'est que quand vous allez dans un restaurant, arrêtez de regarder à quel degré c'est la qualité dans votre assiette et allez voir ce qui se passe dans les cuisines, dans toutes ces femmes de ménage, tous ces cuisiniers qui ont la même couleur, c'est-à-dire la couleur qu'on ne voit pas alors que vous avez des serveurs très chics, très white. Et de l'autre côté, dans les cuisines, c'est très black et ne vous étonnez pas. Leur statut, ce sont ce qu'on appelle, de manière vulgairement, des sans-papiers. Et c'est comme ça qu'on fait du fric. Il y a des films qui racontent ça, il y a plein de gens qui racontent ça. Donc interrogez-vous quand vous allez dans un restaurant, allez regarder qui fait la cuisine et vous allez avoir une indication de comment on fait du fric en France. Voilà. Et je pense que, voilà, bien, donc on vous invite à aller rue de la Paix, de vous solidariser et on va essayer de suivre cette grève. Et puis peut-être qu'on va faire une petite pause musicale avant de revenir... avec les camarades voilà, d'Acceptes. Toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond, près du radiateur, pardon, 106.3 FM. Je suis avec Diane ce soir. Bonsoir Diane. Bonsoir. Alors, qui es-tu Diane? Parle-moi de toi un petit peu. Alors, je suis la coprésidente d'Acceptes Transgenre. Acceptes Transgenre, c'est une association de personnes trans, migrantes, travailleurs du sexe. Ah, c'est mieux, oui. Personnes trans, migrantes, travailleurs du sexe. On a un petit problème micro. Petit problème micro, ça va, c'est bon, c'est parfait, nickel. Alors, bonsoir, je suis Diane Leriche, je suis la coprésidente d'Acceptes Transgenres. Acceptes Transgenres, c'est une association qui a été fondée par des personnes trans, migrantes, travailleuses du sexe, atteintes du VIH. Elles ont fondé cette association pour les personnes trans, migrantes, travailleuses du sexe avec le VIH. Pourquoi ? Parce que c'est par et pour les concernés. C'est un peu sur le mode d'ACT UP dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, qui a piqué un peu sur le front PO en 1936, où ce sont les ouvriers qui ont récupéré leur outil et leur expertise. Soit dit en passant, voilà, c'est juste un petit peu... ACT UP n'a pas créé les choses, mais j'adore ACT UP, hein, y a pas de souci là-dessus. Et donc chez Acceptes, qu'est-ce que l'on fait ? Eh ben, on accueille les personnes, on a des primo-arrivants, des personnes qui arrivent, des personnes trans. On les accueille soit pour avoir les titres de séjour, pour renouveler leur titre de séjour. On les accueille, il y a un psychologue pour l'accueil psychologique parce qu'il y a le choc migratoire pour toute personne migrante. On a aussi des accompagnements à l'hôpital. On a une convention avec Bichat, on est financé par SIDAction et l'ARS, l'Agence régionale de santé. On a une file active à peu près de 800 personnes que l'on suit pour leur traitement VIH. On fait des TROD, des tests de dépistage rapide pour le VIH. On préconise la PrEP, et donc on fait un accompagnement à Bichat avec. On a aussi des séances de yoga, des séances de FLE, donc français et langue étrangère. Des séances de piscine, ce qui est hyper important, j'entends sourire, mais c'est hyper important parce qu'une personne trans ne peut pas aller à la piscine. Pardon ? Eh bien non, parce que pendant la transition, il n'y a pas forcément, et suivant le choix de chaque personne, eh ben, il va y avoir des moqueries en permanence. Une femme transgenre qui ne correspond pas aux stéréotypes, elle va se faire moquer, elle va se faire taper. On en est là. Du coup, on a créé des créneaux piscines pour les femmes trans et pour les hommes trans, où là, il n'y aura pas de problème de regard. Elles se sentiront à l'aise pour nager. Et nager, c'est une chose essentielle pour chaque personne. Et nous, les femmes trans que l'on accompagne, ont souvent le VIH. Il y a les problématiques de santé hyper importants. Et nager, ça procure énormément de bien parce qu'il n'y a plus le poids du corps. Et ça permet d'avoir un développement corporel et se sentir bien socialement. Parce qu'en plus, pendant ces activités, on se retrouve entre nous, donc on sociabilise. Donc c'est hyper important dessus. Et on a aussi une équipe de volets. Voilà ce qu'est Acceptes pour l'instant. Et puis bah, moi, j'ai un âge avancé, on va dire. Je suis une femme trans française. Je suis coprésidente, je m'investis parce que j'ai un parcours militant depuis ma plus tendre enfance. J'ai des parents, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, et ben moi oui. Et ce qui fait que j'ai la militance, j'ai le soutien, l'accompagnement dans le sang, et je ne me vois pas faire un parcours qui ne me serve qu'à moi, donc je ne sais faire que donner, donc je donne. Merci Diane. Récemment, le 13 novembre, me semble-t-il, il y avait un rassemblement pour les droits des trans, l'existence. Le 13 octobre, pardon. Oh, ça va, on se tombe un petit peu dans les dates. Donc le 13 octobre, il y avait l'existence. Il me semble que Acceptes est une des associations qui organise ou co-organise l'existence. Qu'est-ce que ça représente pour toi une manifestation comme celle-là et qu'est-ce que celle-ci a pu représenter ? Quel message vous aviez à communiquer ? Alors, l'existence, en effet, Acceptes, alors c'est pas Acceptes parce que ce sont des personnes qui font partie du collectif Existence. Ces personnes, dont moi, je suis membre aussi d'Acceptes, membre aussi de la Fédération Trans et Intersexe. Et il y a les revendications de l'existence sur l'autodétermination des personnes trans. Pour l'état civil. Il y a aussi l'arrêt des mutilations sur les personnes intersexes. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et l'existence, ça permet d'avoir une visibilité. Ça permet que toutes les associations trans et toutes les personnes trans puissent venir, défiler, dire on existe, on est là, on est le caillou dans votre chaussure, vos lois ne correspondent pas à tout le monde, nous excluent. Ça veut dire que vos lois sont à refaire, sont à revoir. Et donc, cette existence, elle a été magnifique, elle a été colorée. Il y a eu beaucoup de monde, c'était hyper important. On a fait aussi un petit truc avant pour critiquer la SOFECT. La SOFECT, c'est une société, c'est une organisation, ce sont chirurgiens, psychiatres et endocrinos qui sont regroupés et sont autoproclamés experts et qui forcent les gens, qui jugent les personnes trans à rentrer dans des parcours psychiatrisants. Donc on a fait un die-in, on leur a fait peur. Donc ouais, l'existence était super bien. Ce qu'on a fait avant, c'était super bien. La façon dont on a fini sur l'hôtel de ville à faire un die-in avec le point levé, c'était hyper lumineux, hyper éclairant, hyper impactant. Ouais, c'était... C'est bien. Ça permet de faire avancer, d'essayer d'avoir la visibilité. Seul petit regret, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de journalistes parce que il y a eu, je crois qu'il y avait 5, ouais, il y a eu 5 manifs ce jour-là. Donc, bon, bah, l'existence, c'est tous les ans. C'est le 13 octobre. On n'a pas eu assez de médias, mais bah, on a quand même impacté. Il y a eu des très, très belles images. Puis ça donne du... Les personnes trans qui ne sortent jamais, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas, parce que c'est... Il faut savoir que quand on est une personne trans, on risque sa vie chaque jour, mais vraiment sa vie. C'est-à-dire qu'on voit en ce moment plein d'agressions homophobes. Les agressions transphobes, c'est la mort. C'est pas autre chose. On a eu Vanessa Campos qui a été assassinée le 16 août. Bah parce que c'est une personne trans et qu'elle a osé se défendre, elle s'est faite assassiner. Donc voilà ce qu'on risque. Et donc ces personnes trans, quand ils viennent à l'existence, elles sont dans un endroit safe. Et voilà, ça, elles peuvent enfin s'épanouir, se sentir bien, exister. L'existence, c'est l'exister et c'est la résistance. C'est l'existence. Merci beaucoup. Tu nous parlais à l'instant de la SOFECT, de finalement tous ces gens qui parlent pour vous en leur nom, qui se sont un petit peu autoproclamés. Qu'est-ce que vous revendiquez face à eux, finalement, face à ces gens qui, encore une fois, vous utilisent comme des objets de débat, mais qui vous incluent jamais dans ce débat? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? La réponse est déjà dans ta question, tu vois. Elle nous exclut du débat. On est des patients, on est des malades. On n'est pas concernés. Alors, non, quand on est trans, on n'est pas malade, on n'est pas des patients. On est des usagers des services de santé. Simplement, être trans, ça ne veut pas dire voir un psy. Être trans, ça ne veut pas dire voir un endocrino. Être trans, ça ne veut pas dire faire une chirurgie. La transidentité, c'est la non-conformité, la non-concordance entre l'assignation de naissance par l'État et le genre vécu, le genre social, le genre intime. Après, chacun a son expression de genre. L'expression de genre, c'est... voilà, ça peut être un stéréotype masculin ou féminin, mais c'est l'expression de genre. C'est pas le genre social. Le genre social, on se le construit. Comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Je suis à moitié d'accord avec elle. Il y a le genre intime qui intervient, mais le genre social, il se construit. Et la SOFECT veut qu'on rentre dans un stéréotype, qu'on soit des trans primaires, donc pas de vie avant. Hein. Surtout, si on est une femme trans, on doit aimer les garçons, s'habiller en rose, faire de la danse. Un peu comme dans Girls, quoi, le film qui est un peu, on pourra peut-être y venir, qui est juste sur ciblé sur le phallus, c'est juste atroce, ciblé sur la souffrance du corps et du phallus. Une personne trans, quand elle souffre, c'est pas par rapport à son corps, c'est par rapport à la société extérieure, tout le conditionnement qu'il y a pu y avoir dessus. Donc la SOFECT, on est contre eux, pourquoi? Parce que la psychiatrie, si quelqu'un a besoin d'un psychiatre, c'est la personne qui va le demander. Là, on est obligé de passer devant un psy pendant 2 ans et on est sur du jugement. C'est-à-dire que, bah, je vais prendre mon exemple. Bah, moi, les hommes, je suis désolé. Ouais, pourquoi pas, mais j'ai une petite préférence pour les femmes, donc ça marche pas. J'ai eu 2 enfants, donc j'ai eu une vie avant. Bon, là, c'était hyper compliqué pour eux. Donc tout ça fait que je rentrais pas dans leur fameuse case, dans leur stéréotype. Et c'est ce qu'on leur reproche. C'est-à-dire que une personne trans, si elle veut voir un endocrino, elle doit pouvoir aller voir un endocrino. Le libre choix du médecin, c'est une règle de base de la santé. Et bien la SOFECT ne la respecte pas. La CPM ne la respecte pas. On doit passer obligatoirement par leur psy, par leur endocrino, si on a envie d'avoir une opération, quelle qu'elle soit. C'est juste pas logique. Si on a envie d'avoir une opération, moi je vais voir un chirurgien. J'ai pas besoin de voir le psy, l'endocrino avant. Surtout que les endocrinologues aussi, pour les femmes trans, leur ont prodigué un médicament qui est un poison ambulant. C'est un poison contre lequel je me bats depuis plus de 5 ans, qui s'appelle l'androcure et qui crée une augmentation des méningiomes. Et les méningiomes, ce sont des inflammations au niveau des méninges qui créent des kystes dans le cerveau. Donc il y a besoin d'opérer parce qu'on peut arriver sur des paralysies partielles. Et ça, à force de prendre de l'androcure sur de la longue durée, bah, ça développe des méningiomes. les médecins, l'endocrinologue responsable de la Sofect savait cette situation parce que ce médicament, depuis 2011, est sous surveillance. Quand je l'ai rencontré, ce médecin, il y a un an et demi, parce que je les ai tous rencontrés, donc je peux savoir de quoi je parle. Quand j'ai rencontré ce médecin, elle me dit « Ah, mais vous êtes la seule personne qui avait problème avec ce médicament. Personne n'a de problème avec ce médicament. » Elle savait clairement que c'était sur surveillance. Je pense que là, voilà, non seulement ils sont malveillants, mais ils sont dangereux pour les personnes trans. Et aujourd'hui, il y a un dialogue entre les personnes trans et la SOFEC, le ministère de la Santé, les CPAM, où ils sont complètement fermés, ils font leur truc de leur côté. Un rapport de force, pas un dialogue. On leur fait peur. Vous savez, on est un milieu de gauchistes, soi-disant des islamo-gauchistes, pour reprendre les termes assez marrants. Donc, on leur fait énormément peur à la SOFECT. Alors, la CPAM bosse un peu avec nous parce qu'on a créé, nous, les personnes trans, des parcours qu'on appelle libres, où chaque personne peut choisir et on se file, voilà, on se fait des listes de médecins, safe. Parce que, évidemment, quand on est trans, bah, rien que voir un ophtalmo, un dentiste, c'est pas toujours évident. C'est un peu comme pour les personnes séropo. C'est pas évident de trouver un médecin safe, bienveillant, séropo friendly et donc translendry friendly. Oh, j'ai un peu de mal avec l'anglais. Un peu trop française, un peu trop normande à mon goût. Et donc, voilà, on fait des parcours libres. On essaye au fur et à mesure. On porte plainte contre... Il y a une association ou trans qui a porté plainte auprès de la CNIL contre la SOFECT pour un questionnaire qui ne respectait pas justement des questions d'ordre privé et intime. Les CPAM, on a fait remonter avec les associations trans, avec la Fédération Trans et Intersexe, on a pu avoir un rendez-vous avec le secrétaire d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, sur les questions d'inégalité d'une CPAM à l'autre pour les prises en charge des opérations, les prises en charge des ALD. Voilà, on a tout ça. Donc, on essaie de dialoguer avec le ministère de la Santé. Avec la SOFECT, par instant, il y a des personnes dans la SOFECT qui ont des voix aussi discordantes, qui ne sont pas sur ce principe. On a même des personnes à l'intérieur de la SOFECT qui sont certainement pour la dissolution de la SOFECT de la façon dont elle fonctionne. Et on essaye d'avoir des discours avec ces personnes-là. Mais derrière, les gens qui ont leur précaré, ils évitent de... Voilà, ils ne veulent pas discuter. Donc on essaye de leur faire peur. Et donc, en plus du poids en fait, de la médecine, de la place de la médecine qu'il peut y avoir dans une transition ou dans la vie tout simplement d'une personne trans ou intersexe, tu évoquais tout à l'heure le poids de la société. Aujourd'hui, le poids de la société, pour toi, il se traduit comment ? Qu'est-ce que la société a dit des personnes trans ? Qu'est-ce qu'elle dit aux personnes trans ? La société, ça dépend comment tu l'entends, si c'est la société civile, si c'est la société, c'est la famille. Ça va être au cas par cas, parce qu'une personne trans a une famille unique, donc qui va réagir de manière différente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne trans, là où elle va souffrir le plus de discrimination, c'est quand elle assume sa transidentité et quand elle décide de vivre dans son genre. Et quand elle décide de vivre dans son genre, ce qui la discrimine le plus, c'est la non-conformité des papiers. Et actuellement, on a un changement d'état civil qui vient à la fin d'un parcours, une fois qu'on est conforme à ce que la société veut, quand on rentre dans les stéréotypes. Donc on doit avoir des témoignages de la famille, des témoignages du travail, des témoignages des amis, de la société. Sauf que quand on est une personne trans par instant, quand on décide d'être trans, on peut être chassé de chez ses parents, donc les témoignages de la famille, ils sont pas là. On perd son boulot, bon, témoignage de la profession, il y en a pas. Les amis, on se retrouve tellement isolés qu'on n'a pas forcément. La société nous reconnaît pas forcément. Du coup, quel est l'accès ? Il y en a aucun. Il faut donc faire une transition, être à la rue, passer aux mains de la SOFECT pour ensuite arriver à avoir le changement d'état civil. Alors que les papiers sont là pour protéger. L'État est là pour protéger les personnes en difficulté. Et s'il y avait de l'autodétermination, c'est-à-dire que la personne décide de s'assumer, elle va en mairie, l'autodétermination c'est ça, elle va en mairie, et elle dit je suis de tel genre, et je veux qu'on me change mes papiers. Si ces papiers sont changés, elle peut se défendre sur la transphobie, parce que ces papiers seront conformes à son genre vécu, et elle pourra se défendre dessus. Et c'est ce qu'on réclame, parce que cette loi qu'il y a actuellement, elle exclut la majeure partie des précarisés. Elle est faite pour les personnes blanches, avec un bon revenu et qui n'ont perdu personne. Maintenant, les personnes trans, ça représente peut-être 10%. Il y a 90% des personnes pour qui ça va être compliqué d'avoir un changement d'état civil. Et c'est là le problème de la société. Le problème de la société, c'est quand vous allez chercher un colis à la poste, si vous n'avez pas les papiers conformes, ben on ne veut pas vous le donner. Ou alors, on va vous mégenrer en permanence. Le souci, c'est aussi dans la rue, ben, si vous ne correspondez pas aux stéréotypes de genre prédéfinis, ben vous allez vous faire agresser. On va se faire traiter de travelot, de pédale, de tout ce que l'on veut. J'ai rien contre les travestis. C'est aussi des personnes transgenres pour moi. C'est une autre façon de vivre sa transidentité. Mais ben quand on se fait traiter de travelot, qu'on se fait jeter des cailloux et qu'on se fait agresser, voilà ce qu'on risque. Et si l'État ne nous protège pas avec les papiers dès le démarrage, avec l'autodétermination, ben c'est insoluble. On sait qu'on va vivre dans la souffrance, et la souffrance liée à la société et pas à notre corps. Le corps, c'est le rapport qu'on a intimement, ça nous concerne nous intimement et personne d'autre. Personne à mettre les yeux dans notre culotte, clairement. Ça nous regarde. C'est pas ce qui détermine une personne. Et donc là, on parle de la société comme elle est finalement partout, enfin la société de manière généralisée. L'autre jour, tu évoquais lors d'une réunion publique d'information avec ACT UP, tu parlais de la transidentité en prison. Finalement, l'État, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ne soutient pas les personnes transgenres, il les aide pas. Et à quel point c'est ça peut être scandaleux finalement quand tu regardes les conditions, par exemple, des personnes trans en prison. Comme tu dis, l'État juge les personnes trans, juge s'ils sont aptes à vivre dans leur genre vécu. C'est un peu comme si à 18 ans, chaque personne devait passer devant un juge et dire bah voilà, prouver qu'on est une femme, qu'on est un homme. Alors le mieux, c'est de ne pas avoir de genre du tout. Comme ça, au moins, on est tranquille et on se laisse vivre sans être jugé, sans avoir le regard de l'État. Pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est un peu compliqué. Et évidemment, dans les prisons, c'est encore pire. Parce que dans les prisons, bah, c'est le mégenrage. Les femmes trans sont enfermées dans les prisons pour hommes, dans des quartiers d'isolement, pour les protéger. Donc, parce qu'elles sont trans, pour les protéger, on fait un double enfermement, un double emprisonnement. Voilà comment l'État protège. L'État ne reconnaît pas le genre vécu des personnes. L'État n'est pas capable, quand une personne trans est en prison, bah, le personnel médical des prisons ne connaît pas leur monothérapie, ne sait pas quoi prodiguer, n'a aucune connaissance sur les personnes trans. Ce qui fait qu'il n'y a pas de suivi. Le cantinage, il est masculin, donc les personnes ne peuvent pas s'habiller, se maquiller. Elles sont forcées à vivre dans un genre qui n'est pas le leur. Elles sont mégenrées. Après, il y a des viols, il y a tout un tas de choses, des agressions, tout un tas de choses qui se passent. On va passer à autre chose. Ouais, on va passer à autre chose. On va faire une petite pause musicale et puis on reprendra juste après. À tout de suite. Thank you. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond près du radiateur, 106.3 FM. Et je suis toujours avec Diane Le Riche, coprésidente d'Acceptes Transgenre. Toujours bonjour, Diane. Toujours bonjour. Diane tout court, ça va hein. Alors, tout court, ce n'est pas mon nom de famille, évidemment. Alors, on en était sur... On évoquait le fait qu'en France, il ne fait pas forcément bon vivre quand on est une personne transgenre, une personne intersexe. Il y a des endroits dans le monde où c'est un petit peu plus sympa quand même, où vous pouvez être vous, sans être emmerdé. Alors, oui, il peut y avoir des endroits. La Norvège est plus safe. Après, il y a des pays qui sont pour l'autodétermination, donc, où les personnes peuvent changer leur état civil. Donc, le pays par lui-même, l'État... Et safe, comme l'Argentine ou comme le Brésil à l'époque. Oui, à l'époque. Jusqu'avant dimanche. Sauf que même si l'État est safe avec, la population n'est pas safe du tout. C'est le Brésil, malgré la possibilité de changer d'état civil, c'est le pays où il y a le plus de meurtres de femmes transgenres. En général, des travailleuses du sexe. Mais pas que. Et là, actuellement, avec ce qui se passe avec Bolsonaro, on sait que l'État va faire la chasse donc aux personnes homosexuelles, mais aussi aux personnes transgenres. Ce qui fait qu'on va s'attendre à une recrudescence d'arrivées de personnes trans brésiliennes, parce que c'est leur vie qui est en danger. Et notre État, notre fameux État français, avec la possibilité, normalement, quand on est en France... de rester, d'avoir une demande d'asile pour une question de soins, une question de mise en danger. Bah, le Brésil, pour une personne trans, bah, on n'est pas en danger, à ce qui paraît. C'est pour un état sûr. Voilà, c'est un état sûr. Quand on est une personne trans atteinte du VIH, on peut avoir nos traitements et on n'est pas en danger. Sauf que là, erreur, il y a quand même une convergence des discriminations. Séropo et trans au Brésil, actuellement, ça veut dire la mort. Donc on a pas mal de personnes qui sont sujettes à des OQTF, obligation de quitter le territoire français. On a une trentaine de personnes que l'on suit actuellement. On est en train de se débattre pour que ces personnes ne quittent pas le pays, parce que si elles retournent dans leur pays d'origine, elles seront assassinées. Ce qui veut dire que, de manière indirecte, l'État français assassine ces personnes de manière consciente. Parce qu'on fait des plaidoyers, on leur explique... L'association fait beaucoup de plaidoyers auprès des institutions. On remonte beaucoup d'informations. Et malgré cela, l'État ne veut pas écouter ce que l'on dit. Voilà la situation. Alors des pays où on est vraiment safe, peut-être la Lune, je ne sais pas, éventuellement. Plus sérieusement, il n'y a pas vraiment d'État safe. En Thaïlande, c'est pareil. En théorie, il y a une culture des personnes trans. Mais leurs conditions de travail, elles sont mises à côté. Comme en Inde, il y a ce qu'on appelle les ishrams. Et ce sont des intouchables, donc elles n'ont pas le droit à tout. À chaque fois, il y a une discrimination. Il n'y a que la Norvège, apparemment, où c'est à peu près tranquille. La France, ça pourrait être super bien. s'il y avait une réelle évolution, si on écoutait les personnes concernées. Donc finalement, ce que tu reproches aujourd'hui, c'est vraiment à l'État de faire la sourde oreille et de vous mettre vraiment à l'écart plus que vous ne l'êtes par le poids de la société. Oui, il ne nous aide pas du tout. C'est-à-dire que l'État ne nous écoute pas parce qu'on est nos minorités. Et pourtant, on est hyper médiatisés. En ce moment, on croirait que c'est une mode de parler des personnes trans. Quand on voit les films, là, il y a Girls qui est sorti dernièrement. Comment dire, il aurait pu être bien, ce film. C'est d'après une histoire vraie, donc il aurait pu être bien. Il aurait pu être bien s'il avait été joué par une femme trans et pas par un homme cis. Il aurait pu être bien s'il avait été traité sur la réalité de la vie des personnes trans. Il aurait pu être bien s'il n'était pas centré sur le corps, sur le sexe, sur la souffrance du sexe qui ne correspond pas. Donc là, on est sur un cas particulier. On ne voit que des histoires comme ça. C'est le corps qui nous gêne. Non, non, les personnes trans, ce n'est pas le corps. C'est le conditionnement qu'on peut avoir reçu de la part de la société sur l'importance du corps. Ce qui est important, ce n'est pas le corps. C'est la manière dont on vit. C'est notre genre social. C'est notre genre intime. Le rapport au corps, il est, comme je le réitère, il est individuel. Et quand on voit la représentation médiatique, alors il y a quand même quelques efforts. Il faut reconnaître, je vais féliciter France 3 d'avoir embauché un homme trans dans son feuilleton Plus belle la vie. Parce qu'au moins, c'est représentatif. Ça permet de visibiliser aussi les hommes trans parce que, pour les personnes, les hommes trans, ça n'existait pas. Et là, ça permet de visibiliser. Il y a un film qui est génial, qui est sorti, c'est un film chilien, qui s'appelle Une femme fantastique, jouée par une femme trans. Et là, ça reflète la réalité de la vie des personnes trans. Et je vous conseille, si vous êtes intéressé sur le sujet, de voir ce film. Vous pouvez le trouver en VOD un peu partout, chez votre oncle d'Amérique. Vous allez trouver ce film, il raconte l'histoire exact, sans faux semblant, sans exagération sur le corps, vraiment d'une personne trans, de ce qu'elle peut vivre, et non pas les fantasmes d'un réalisateur qui va faire du voyeurisme, qui va dénoncer le voyeuriste en étant voyeur. Voilà. C'est un peu ça, le film Girl. Bah, c'est vrai que moi, pour être allé le voir, ce film, une salle qui était comble, une grande salle au UGC, Ciné Léal. Alors c'est un film qui est sorti il y a un mois à peu près, salle comble, quand je suis rentré dedans, moi déjà ça m'a impressionné finalement, je me suis dit tiens c'est bien, les gens s'intéressent aux personnes trans, et finalement en voyant ce film je me suis dit mais merde, ils font une fixette sur le corps, en fait il y a vraiment comme tu le disais un fantasme du corps de la personne trans, comme si la transidentité ne passait que par un corps, que par une enveloppe charnelle, c'est des seins, un pénis, un vagin et c'est tout. C'est souvent ça la représentation qu'on en a dans la société et on parle pas de tout l'aspect moral, je sais pas si c'est le mot qui convient vraiment pour ça. Je dirais plus l'aspect social que moral. La construction sociologique, la construction intime, c'est pas forcément que la construction du corps. Le corps, le rapport qu'on ne peut avoir ne résoudra rien par rapport au reste. Le corps, c'est juste le rapport au corps. Ça n'a rien à voir avec la transidentité. Et hélas, oui, comme tu dis, dans ces films, on n'a que ça, le rapport au sexe. Mais c'est fini. Et d'ailleurs, ça n'a jamais existé. Il n'y a que les psychiatres qui disaient des transsexuels ou du transsexualisme. C'est la transidentité. On est sur le genre. On n'est pas sur le sexe. Ce film, il reprend sur le sexe. Un gros retour en arrière. Soi-disant hyper évolutif parce qu'on parle des personnes trans, oui, mais si on en parle comme ça, c'est pas bon. Alors oui, et puis il y a un côté victime. La pauvre personne, elle est trans, elle souffre dans son corps, il faut l'aider. Non, c'est pas ça. Là, une personne trans, pour l'aider, c'est l'État qui doit l'aider pour l'autodétermination des papiers, premièrement, et la laisser choisir son propre parcours. Comment aller avec son propre corps, comment elle veut pouvoir vivre, l'aider, simplement l'accompagner et pas imposer des choses et surtout pas sur le fantasme du corps. De toute façon, les personnes trans dans les films, ça a toujours été soit des putes qui sont assassinées. J'ai rien contre les putes, je les adore, hein, ce sont mes amis. Et d'ailleurs, c'est un mot affectif, pute. C'est travail du sexe ou pute, le reste, j'aime pas trop. Ou alors, soit des pervers ou des perverses. voilà le rôle des personnes trans. Non, les personnes trans, c'est comme les personnes cisgenres. Alors, petit cours, cisgenre, conformité, concordance entre l'assignation de naissance par l'État et le genre vécu. Transgenre, non-concordance entre l'assignation de naissance par l'État, donc à l'État civil, et le genre vécu. Donc toute personne qui n'est pas transgenre, en général, est cisgenre. Voilà. Un homosexuel est cisgenre. Un homosexuel est cisgenre, cisgenre gay. Alors, une petite blague comme ça, on n'est pas trop loin de la fin. Une petite blague sympa. Moi, je compte comme ça maintenant, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Communauté oppressive, 8, 9, 10. Je ne dis pas 6, 7. Voilà. 6, 7, 6 genres hétéro. Voilà. Parce qu'en général, bah, c'est symbole patriarcal, etc. Ça engendre ça. Merci beaucoup. Désolé pour les 6-7 qui nous écoutent. Mais non, mais il ne faut pas qu'ils se sentent tout le temps oppressés, ces gens-là. Les pauvres victimes. Voilà, c'est ça. Du coup, moi, je me disais, avec ce que tu étais en train de dire, on pourrait croire qu'il y a des avancées du coup, pour les droits des trans, qu'il y a de la visibilité qui est donnée, mais finalement, est-ce que c'est de la bonne visibilité qu'on offre ou est-ce que, bah, encore une fois, on exclut les primo concernés même de cette visibilité dans le cinéma et qu'est-ce que ça donne comme repère finalement à des personnes qui se posent des questions sur leur transidentité ou tout simplement sur leur genre, qui savent pas trop où ils en sont. Est-ce que vous après vous les aidez en tant qu'association ou est-ce qu'il y a des associations qui sont spécialisées pour les jeunes personnes trans par exemple? On a des associations, on a Outrans sur Paris, j'en ai fait partie il y a quelques années. On est dans l'accompagnement pour les jeunes personnes en questionnement. On a beaucoup de passerelles entre toutes les associations trans, entre Outrans et Acceptes T, parce qu'on est, sur la même optique politique, même optique humaniste sur les personnes trans. Donc c'est par les concernés, pour les concernés, et ne pas être dans le jugement, dans l'accompagnement. Donc oui, il y a des associations qui font ça. Et... hélas, les films, quand on nous dit « Oui, mais comme ça, vous voyez, c'est bien, on parle de vous. » Ouais, mais sauf que là, on parle pour... quand il y a des films comme ça, c'est pour intéresser, faire du sensationnalisme auprès du grand public. Mais si c'est pour former, pour donner des informations qui sont fausses, bah, je vois pas l'intérêt. Il n'y a aucun intérêt. C'est un peu... on va reprendre un peu le schéma type sur l'homosexualité. Bah, c'est la cage aux folles, c'est pédale douce. Ben non, homo, c'est pas ça. C'est pas que ça. Il y a une partie ça, mais c'est pas que ça. Et donc, les trans, ce n'est pas que le corps. Il y a des personnes qui ont besoin du corps. Et ça n'aide pas du tout les personnes transgenres qui se sentent pas là-dedans. Parce que s'ils voient ces films-là, ils disent « Oui, mais moi, c'est pas ça. Donc, je suis pas trans parce que j'ai pas envie de me faire opérer. » Ben non, si on n'a pas envie de se faire opérer, c'est qu'on n'a pas de souci avec son corps. Ça n'empêche pas d'être une personne transidentitaire, d'être dans la transidentité. Et ça véhicule forcément des situations fausses. Le jour où il y aura une personne trans, il y a des actrices trans. On a une amie qui a joué dans 100 battements par minute, qui est une actrice transgenre. Il y a des personnes transgenres, acteurs et actrices. Et on a beaucoup de personnes qui sont capables d'écrire, des personnes trans qui sont capables d'écrire des films, sauf qu'on n'intéresse pas parce qu'on n'est pas bankable. Tout simplement. On revient sur un rapport à l'argent. On va faire une petite boucle, là, comme ça, sur capitalisme, patriarcal, la thune. D'accord ? Donc, on revient ici, sur ce même principe. On n'est pas assez intéressant parce qu'on n'a pas un gros pouvoir d'achat. On va intéresser les gens, parce que les gens qui ont un pouvoir d'achat, ils vont venir au cinéma, ils vont dire « Ouais, c'est cool, c'est sympa. Ah, je connais une personne trans. » Du coup, je suis pas... voilà. J'ai une copine trans. C'est ça. Il y a toujours, en plus, l'exotisme sur les personnes trans. En permanence. Les femmes trans, c'est un objet sexuel à la base, c'est pas une personne. Dans l'esprit des gens. Eh bien oui. Je vais être un peu cru, mais une femme avec une bite, super, je peux me faire défoncer par une femme. Voilà. Ça fait partie des fantasmes. Ça fait partie aussi du fantasme de la culture de l'hermaphrodite. Tout revient hyper loin. Alors c'est pas gênant, on peut très bien avoir des fantasmes. Mais ne pas oublier que derrière, il y a une personne, il y a un être humain. Et que le fantasme doit se vivre avec la personne. Avec la personne, en accord avec la personne. Et pas être imposé, tout simplement. Et le souci, c'est qu'on pense que toutes les personnes sont dans ce fantasme-là. Les personnes trans, les femmes trans sont dans ce fantasme-là. Eh ben non, il peut y en avoir. Il peut très bien ne pas y en avoir. Voilà, ça dépend de chaque personne, chaque être humain a ses propres fantasmes et penser que c'est un être humain, c'est un être vivant derrière, et ça on a tendance à l'oublier. Et je dirais quelque part, à la limite, que des personnes nous aiment pas, nous apprécient pas. Ouais, ok. Mais qu'est-ce qu'on leur fait ? En quoi on les dérange de vivre pour qu'ils viennent nous agresser ? Où est le problème ? Chez eux. Là, c'est un problème chez eux. De venir agresser des personnes trans, c'est qu'ils ont un gros problème chez eux. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas affranchi. C'est à eux d'aller voir les psys pour régler leur truc. Et pour conclure sur cet échange, si tu avais une chose à dire à la SOFEC, en un mot, quelque chose de très court, tu lui dirais quoi ? Dissolution ! Merci beaucoup Diane, merci à toi d'être venue, merci à toi d'avoir parlé d'Accept ST. On se retrouve après une petite pause musicale, on sera dans Au fond près du jukebox avec Alexis. Bonsoir, Paris sans transition, vous êtes toujours sur la 106.3 FPP, fréquence Paris pluriel. Écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver après 2 semaines d'absence, il me semble, parce qu'on n'a pas pu être là la semaine dernière. Et du coup, ce soir, je suis très honoré et très content d'avoir mes 2 invités. Du coup, j'ai avec moi Baptiste Dupuis. Bonsoir. Bonsoir Baptiste et Marine Roland. Et bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors du coup, mes deux invités de ce soir vont nous parler de leur collectif Enclos. Mais en réalité, ce soir, ils seront porte-parole de plus de... Combien à peu près? Une quinzaine de collectifs et associations? Oui, c'est ça. Au moins une dizaine, ça c'est sûr. Au moins une dizaine, c'est ça. Et le sujet de ce soir, ce sera la Art Fact numéro 3. Exactement. C'est un magnifique événement... que vous nous proposez là pour sa troisième rubrique, pour sa troisième édition, excusez-moi. Du coup, votre événement est surtout basé sur un événement multidisciplinaire et multi-artistique. Il y a de la danse, il y a du body painting, il y a de la musique live, instrumentale, des DJ, du light show. Des spectacles de feu. Des spectacles de feu. Des danseurs. C'est magnifique. Et cette troisième édition qui se passe le 24 novembre du coup 2018 à Paris sera très attendu par beaucoup de gens. Vous êtes à combien là du coup d'invités jusque là? Là on est à plus de 1000 intéressés sur l'event, donc il vient juste d'être lancé il y a à peine une semaine, c'est ça? Ouais. C'est beau. Et du coup, sinon, parlez-moi un peu de vous rapidement, du parcours. En fait, comment est venue cette première artefact du coup? Et ben alors, cet artefact, il y en a eu déjà deux autres avant. Oui. Et avant ça, il y a surtout eu beaucoup d'autres soirées donc, organisées par Enclos. Donc, c'est l'association qui crée donc, les artefacts. Et donc, avant ça, on a donc eu une énorme soirée qui s'appelait Hall. Et c'était un peu le début de Enclos dans l'événementiel. C'était il y a combien de temps, ça, du coup? Pour nos auditeurs? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, d'accord. Et du coup, ça fait 4 ans en soi que toi, Baptiste, et toi, Marine, vous organisez ce genre d'événement? Oui, voilà. À but non lucratif, toujours. Exactement. C'est magnifique. C'est magnifique parce que, comme j'ai pu le refaire à ma dernière chronique, du coup, où je recevais Nella Fauve, qui est une artiste contemporaine, et Nell de son Nellion Market. En fait, si vous voulez, en fait, à la Fréquence Paris Pluriel, on aime beaucoup les gens qui font vivre l'art, qui sont passionnés et qui offrent la possibilité à d'autres gens de pouvoir se mettre en avant parce que l'art fait vivre le monde et c'est quelque chose de positif, surtout en 2018 où c'est un peu la merde. Si je puis alors dire. Là, vous n'allez pas être déçus si c'est vraiment le but, si vous aimez l'art, l'artefact, c'est vraiment le but, c'est de mettre en relation et surtout de faire une espèce de grosse mise de connexion en fait, entre des artistes pros et amateurs, mais surtout amateurs. Oui. Et le but, c'est que en fait, tout le monde y va du sien et met un peu de sa patte. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment tout type d'artistes, mais on a aussi les gens qui bossent derrière, c'est-à-dire des scénographes, des ingés lumière, des associations de décoration du coup, qui viennent égayer le paysage de nos soirées. C'est magnifique. Et ça a toujours été au même endroit ou ça a toujours un petit peu bougé en réalité? Alors, on a fait une soirée au Bateau Phare hein, qui était avant les trois artefacts, donc qui était la Sound Collusion. Je repasse, mais bon, voilà. Repose en paix, Bateau Phare, si tu nous entends. Exactement, on peut dire un petit RIP au Bateau Phare, mais bon, c'était une très très grosse soirée qui au final avait fait des très gros chiffres. On avait fait, je crois, les plus gros chiffres de juin-juillet en niveau vente pour le bateau, donc c'est plutôt sympa quoi. Et donc, c'est là que ça a commencé et qu'on s'est dit, bon, ça serait cool de faire ça en plus grand parce que ce Bateau Phare, c'est bien. Mais c'est mignon et c'est petit. C'est un peu petit, c'est vrai. Ouais. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, on fait ça dans un sous-sol de plus de 1000 mètres carrés avec une cour extérieure pour les fumeurs et tout ça. On fait les choses bien. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. En tout cas, dans l'idée, du coup, chaque événement est basé sur un thème différent, c'est ça? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement, musicalement, je veux dire. Parce que je sais que vous ne mettez pas forcément la musique en premier plan, puisque c'est un ensemble artistique, c'est vraiment tout un concept de soirée avec beaucoup de danse et une ambiance, mais chaque événement a sa petite spécificité. Exactement. Quand même. Oui. On va essayer, en fait, nous, de casser les communautés parisiennes. Donc, on ne va pas mettre une soirée avec que de la drum and bass, que de la psytrance, que de la techno. Mmh. On va toujours mélanger un peu les styles. Donc, on va mélanger de la psytrance avec de la drum and bass pour la prochaine édition. Avant, on avait fait de l'instrumental, de la techno, de la trance. Et là, du coup, ça va être instrumental, psytrance et drum and bass. Yeah, mais ça se mélange très bien. En fait, mélanger aussi l'instrumental au mix aussi directement. Exactement. C'est magnifique. Et d'ailleurs, on va avoir pour cette édition, on va avoir, je crois, une trompettiste qui va pouvoir jouer sur de la dub. Donc, on mélange carrément tous les styles. Ouais. Il y aura de tout. C'est magnifique. C'est magnifique. Et à côté de ça, bien sûr, plus important, enfin pas le plus important, mais une des pièces aussi maîtresses, c'est le fait que y a un village artistique qui est donc organisé à chaque fois, oui. Donc qui est à côté de la scène et dans lequel vous pourrez retrouver de la sculpture, de la photo, du dessin, Un espace chill, du yoga, il y aura vraiment plein de choses au rendez-vous. C'est ça qu'on aime, c'est qu'il y a de tout. Et le but, voilà, c'est qu'on se rencontre tous et que tout le monde puisse apprendre un peu de chacun, que chacun partage humainement et artistiquement, s'ils le peuvent, du coup. Et c'est ça le but, quoi, d'Artefact. Complètement. Alors, complètement. Contrairement aux assos parisiennes qui vont sélectionner des artistes, qui vont sélectionner des artistes pour les exposer selon leur niveau, nous, on va vraiment essayer de mélanger les amateurs et les pros ensemble. Le but, c'est que dans la soirée, les artistes se rencontrent entre eux, se motivent à faire des projets pour des artistes qui n'ont pas forcément déjà exposé. Oui. Et puissent ensuite avoir la motivation d'exposer par la suite dans Paris, pour d'autres orgas, pour tout le monde. Oui, oui, oui. C'est magnifique. Mais du coup, parce que je sais qu'il y a Nataraja, du coup, qui est un collectif, association, qui a été pas mal impliqué sur, en tout cas, la numéro 2, c'est ça ? La 1 et la 2. La 1 et la 2. La 1 et la 2, et même avant. Parce que là, sachez que là, il y a tous ces collectifs et toutes ces associations qui vous écoutent probablement, en tout cas, je l'espère, et s'ils ne nous écoutent pas, ils nous écouteront en rediffusion. S'ils nous écoutent, on peut leur dire merci, parce que sans eux, ces soirées-là, elles ne seraient pas aussi magnifiques, surtout Nataraja, qui, pour le coup, à chaque fois, nous offre une déco qui est absolument géniale. C'est ça, avec beaucoup de couleurs. C'est leur but, c'est de, comme ils le disent, c'est un peu de ramener la culture psyché et tout ça dans les soirées, et de la banaliser, quoi. Donc, il y a de la couleur, il y a du phosphorescent. C'est très mélangé au body painting, en plus. Du coup, tout ce côté-là, trois dimensions. Le résultat est sympa à voir pour les yeux, c'est clair. C'est magnifique, c'est vraiment passionné et passionnant tout ça. Mais du coup, il y a combien à peu près d'assos fais-nous un petit récap un petit peu de tout le monde. Je suis sûr qu'on ne peut pas parler de tout le monde parce que du coup, c'est un événement qui a 1000 mètres carrés, mais du coup, qui va faire passer beaucoup de monde. Mais tout le monde est plus ou moins avec les ingés, les techniciens, exactement. Tout ça. Il y a beaucoup de monde. Parlez-nous un peu d'eux du coup. Alors, principalement, il y a Nataraja et Unison. Donc, Nataraja, maison de disques, ils organisent des soirées, ils ont des DJ un peu partout dans le monde. Ils nous aident sur les soirées pour la déco et la logistique un peu. Unison, c'est une asso de son étudiante qui... maison de disques également Unison. Label aussi Non, Nataraja. Nataraja, maison de disques. D'accord. Voilà, Unison, ils apprennent aux étudiants à mixer. Ouais. Ils organisent des soirées, de grosses soirées. Et ils ont construit leur caisson, ils ont fait leur sound system qui permet de faire vibrer la soirée Artefact. C'est super puissant pour le coup, pour l'avoir déjà écouté. Leur sound system, il est vraiment super bien. Du gros steak. Et puis le côté, ils l'ont fait avec amour, quoi, tu vois. C'est vrai que ça se retransmet beaucoup aussi. Donc c'est sympa. Oui. Et puis là, c'est ça qu'on pourra les écouter à l'Artefact. C'est eux qui vont fournir le son. Et Nataraja, effectivement, comme tu l'as dit, qui eux font de la production musicale, de l'organisation d'événements et de la décoration événementielle. Donc eux, ils sont carrément multifonctionnels, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique tout ça. Alors juste pour nos auditeurs ou également aussi, si vous nous écoutez, si vous êtes membre un petit peu de Enclos et que vous ferez partie d'Artefact, je vous invite en cas de besoin, du coup, si vous souhaitez répondre, je vous donne le numéro du standard Fréquence Paris Pluriel, c'est le 01 40 05 06 10. Je redis, 01 40 05 06 10. Si vous voulez un petit peu communiquer avec l'équipe, si vous faites partie du projet, ou si vous avez juste envie de poser des questions, parce que très sincèrement, ils le méritent, ce genre d'événement, ça, c'est tout ce qu'on souhaite, parce que du coup, c'est vraiment organisé avec, de réseau en réseau. Et en réalité, ces réseaux de réseaux sont dans une tranche d'âge qui commencent à évoluer et qui font évoluer et qui font avancer les choses. Et pour ça, on vous remercie, les gars. Et surtout, j'ai l'impression que il y a trop de soirées où tu sais, ces réseaux papa maman, réseau pour devenir dentiste, réseau pour devenir ceci cela, où il y a que de l'intérêt. Là, vraiment, c'est plus réseau, mec, tu peux apporter ça à l'édifice et apporte ce que t'as. En fait, on s'en fout que ce soit ponctuel ou sur le long terme, en fait, c'est ça. Pas d'engagement, en fait, juste un qui fait le moment, et c'est ça qui est vraiment trop beau et surtout à mettre en avant au final. Donc ouais, moi franchement, vous m'avez grave motivé pour cette petite soirée. C'est la petite parenthèse de moi. Je te rends le micro. Mais je te remercie, Iman. Non mais oui, on peut accueillir Iman qui est là, qui est avec nous, que vous entendez très probablement assez fréquemment sur notre radio, qui est toujours de bonnes paroles, qui est toujours là. Mais écoutez, je pense qu'on va se faire une petite page de son et on va revenir vers vous tout de suite avec Marion et Baptiste. À tout de suite. Blind, Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, au fond, près du jukebox. Rebonsoir Marion, rebonsoir Baptiste. Rebonsoir, mais c'est Marine toujours, ça commence un peu à devenir vexant quoi. Eh bah excuse-moi. Ah oui, pardon, merde. C'est pas grave. Ah merde, je me plante. Désolé, je suis désolé. Bon du coup, chers auditeurs, nous sommes là pour parler de la Artefact numéro 3. Gros événement avec plein de collectifs, d'associations. Du coup, il y a une question que je me pose du coup, enfin au niveau de votre événement. Est-ce que du coup, vous êtes subventionné par l'État, la mairie de Paris, ou du coup, vous êtes autofinancé, vraiment indépendant, autosuffisant, et puis alors surtout non lucratif, quoi. Donc c'est ça. L'organisation est à but non lucratif, quoi qu'il arrive. Mais est-ce que du coup l'État vous donne un coup de main ou c'est vraiment justement un petit peu de couille et de l'envie et... Le projet Artefact est assez jeune en fait, il a un an. On en a fait, là on arrive à la troisième, donc on en fait une par trimestre à peu près. Ouais. Mais le projet est vraiment jeune, donc pour l'instant on est entre nous quoi. C'est assez jeune mais c'est assez efficace, les gens semblent adorer vos événements en tout cas. J'ai pu voir un petit peu les photos des deux événements et j'avoue j'ai pris des claques. J'ai pris des belles petites claques. En plus, j'ai pu reconnaître deux, trois artistes et danseuses qui faisaient partie. Et vous êtes avec des valeurs sûres. En tout cas, vous êtes bien équipés là-dessus. Et puis c'est là qu'on se rend compte que le monde est petit. Parce que justement, comme tu dis, des artistes qui se connaissent entre eux, dans tous les artistes qu'on book, entre guillemets, il y en a beaucoup. Et ça fait vraiment ce petit réseautage. C'est un petit monde, mine de rien. C'est un petit et à la fois un grand monde. Parce qu'on a quand même beaucoup. On est à combien d'exposants sur la soirée? Pour la prochaine Artefact, on va essayer de passer à 40 exposants. C'est gigantesque, voilà. Tout au long de la soirée du coup. Dans la soirée, dans le village artistique. De manière continue en fait. D'accord, yes, histoire de garder tout l'événement vivant tout au long de la soirée. Pour nos éditeurs, l'événement se lance à quelle heure? Alors c'est de 20h à 7h du matin. Ah, yes, donc voilà. Vous imaginez la continuité derrière de l'événement. Il n'y a pas d'excuse pour pas venir, quoi. C'est assez long pour que tout le monde puisse venir. La date c'est du 24 novembre, on rappelle bien tout ça. C'est vrai que du coup, juste pour rassurer un petit peu tout le monde, parce que c'est vrai que généralement quand on fait des événements un petit peu comme ça, il y a toujours ce problème de sécurité. Mais là-dessus, je pense que vous êtes golden en fait, vous êtes bien. Alors au niveau de la sécurité, au niveau de la sécurité sur le site, ça se passe très bien. Au niveau du public, ça se passe également très bien. Donc, on a du body paint, donc c'est-à-dire on va avoir des hommes torse nus, des femmes seins nus, et il n'y aura pas de problème de harcèlement ou autre. Qu'on est aussi engagé justement avec des collectifs et des individuels qui luttent contre la discrimination, le sexisme, le racisme. Voilà, exactement. C'est une des raisons pour lesquelles aussi, parmi tant d'autres, je voulais vous avoir ce soir parce que votre événement est juste génial. Parce qu'il n'y en a pas tellement des comme ça en réalité sur Paris. Ça se fait si vous voulez, mais il y a toujours. Il y a toujours une espèce de petite carotte au bout, un peu surexploité. Soit très cher, soit beaucoup de bordel en général. Ouais. C'est assez élitiste, les gens se tiennent tout en s'amusant. C'est ça. Et puis en plus de ça, au cas où aussi vous êtes fatigué, on va aussi vous promettre de la nourriture, puisqu'on aura cette année normalement un stand de falafel. Et on va essayer de vous servir quelque chose en fait qui est fait maison, donc on va faire ça à nous-mêmes comme on peut. Et au prix le moins cher possible, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que dans les autres food stands, les food trucks qu'on peut trouver dans les autres soirées, on va quand même payer 10€ le hot dog quoi. Et puis en fait le prix de la bouffe, tu rembourses ta place, genre si t'as une place à 20 balles, t'auras ton hot dog à 15 balles, tu vois. C'est et un petit demi à 7€ du coup, voir la qualité des aliments et sont dedans, c'est du pain congelé avec un truc dégueulasse et voilà. Exactement. Donc franchement, tout au micro-ondes, donc nous on va essayer un peu de pallier à ça. Alors si on arrive à mettre en place le projet correctement, il y aura une particularité. Le public pourra, en payant son falafel, faire un don à un artiste dans la soirée. Donc l'artiste, c'est bien sûr, aura cool. son cachet de la soirée, oui. Mais il peut également faire un don à un exposant. Donc il choisit de donner 1€ s'il le souhaite à un exposant, et nous, on mettra un compteur en place pour ajouter un cachet aux artistes exposants. C'est magnifique, c'est musiciens. Magnifique. Il faut continuer, ça fait vivre les artistes, mine de rien, les petits sous-sous après petits sous-sous. Mais ça promet d'être un sacré événement quand même. Et puis le but, c'est d'améliorer encore plus à chaque édition. Là, pour donner une idée, ça fait un an à peine que le projet a commencé. On est déjà à la troisième édition. Bien sûr. On fait quoi, une par trimestre pour l'instant quoi. Voilà. C'est génial. C'est une bonne lancée. C'est génial. Et du coup, Paris, si vous nous écoutez, juste pour info, soutenez-les. Si vous avez des artistes, si vous avez des lieux, n'hésitez pas à aller les voir. Proposez-leur des choses, ils le méritent. Pour vous donner une petite idée, en tout cas, le collectif Enclos, c'est 193 membres. Posé, mais il y en a beaucoup d'autres en communion directement ou indirectement en fait par rapport aux actions. Qui font c'est ça. Ce qu'ils peuvent et au moment où ils le peuvent, on n'est pas c'est trop, ça, trop si demandant là-dessus. C'est vraiment de bon cœur tout ça et c'est assez fantastique. Du coup, dites-moi les gars, est-ce qu'il y a un petit message que vous aimeriez faire passer ? En tout cas, c'est le moment. Si vous voulez, mettre quelqu'un ou quelque chose en avant. Moi, personnellement, je fais un gros salut à tous les musiciens qui vont y jouer et à tous les artistes en plus. Ah oui, on espère. Et puis après, pour le petit mot, on va dire de la fin, on va juste redire que voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir intégrer des villages artistiques, des exposants, des performeurs et dans les soirées parisiennes, parce que comme on disait, on trouve que ça manque un peu de ça. Et là, on essaye de réunir tout ça dans un joyeux bordel organisé, on va dire. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas facile. Il faut que ce soit un beau bordel. C'est pas facile de mettre de la musique instrumentale, puis de la trance, puis de la drum and bass, d'avoir un côté un espace chill avec des coussins par terre, et puis un mec qui expose ses tableaux qui sont super bien faits. C'est beaucoup d'organisation. Et pour ça, on peut énormément remercier Enclos. On essaye de prendre soin du public, donc on distribue des fruits dans la soirée au public, on offre du thé à des moments. Des fruits coupés déjà à l'avance, à la fin de soirée, vous pouvez manger des bananes, des oranges. On essaye vraiment de changer des soirées parisiennes où les gens sont enfermés dans une salle pour voir un artiste jouer et ils sont compressés. Compressés, ouais, c'est vrai. On essaye de copier un peu, enfin, on voit des choses qui se font très bien à Berlin et on essaye de ramener ça un peu à Paris. Là, c'est si t'aimes plus la musique qui passe, quoi, tu vas te balader, tu vas voir les tableaux. Si t'es un peu lassé des tableaux, tu vas te balader, tu vas voir en haut le spectacle de feu, parce qu'on aura quand même beaucoup de. On aura aussi des cracheurs de feu. Dans la cour extérieure, pour vous réchauffer, s'il commence un peu à faire froid. Amateurs et pros, c'est pareil, c'est dans la même logique. Il y a des amateurs qui débutent, qui progressent, et des pros qui sont là pour montrer l'exemple un peu. Bien sûr, mais ce genre de choses, ça envoie une espèce de vocation professionnelle, en tout cas tout de suite, quand on se retrouve dans ce genre d'événement, où c'est assez conséquent, et c'est très beau à voir. Ça va être très, très, très, très lourd, je pense, en tout cas. Merci. Et du coup, Paris, j'espère que... Tu vas venir. Ah oui, le but c'est d'accueillir tous les humains, donc ne soyez pas gênés, artistes ou pas, c'est pas grave, vous pouvez venir, c'est le but. Pour trouver la soirée Artefact, c'est sur, comme le mot existe un peu partout. Oui. Ça c'est sur la page Enclos, donc Enclos, E-N-K-L-O. Et donc voilà. Directement sur Facebook. Artefact, hashtag 3, parce que c'est la troisième édition sur Facebook. Du coup. Artefact, A-R-T, apostrophe, et F-A-C-T, numéro 3. C'est le 24 novembre 2018. Venez nous voir, vous allez être bien reçus en tout cas, et c'est un plaisir de vous recevoir à Fréquence Paris Pluriel. Parce que vous faites vivre Paris, les gars. Parce que sinon aussi, vous pouvez aussi aller voir, parce qu'Enclos, à côté de ça, c'est pas que pour les soirées, c'est pas que pour la visu qu'on réunit des artistes ensemble, on fait aussi ça à côté, en projet, on va dire peut-être personnel aussi un peu. D'accord. C'est-à-dire qu'on a par exemple un projet donc, de mapping vidéo, de body light, avec pas de body paint, et donc c'est de la projection vidéo sur corps humain nu. J'ai eu des retours donc ça. C'est l'humain qui devient la toile, et donc ça, on fait ça aussi à côté, donc vous pouvez aussi aller voir l'Instagram, c'est Enclos Art. Donc n'hésitez pas, parce que franchement ça c'est vraiment des super projets, et le but c'est de mettre en avant le photographe, le mec qui fait le mapping, la nana qui vient poser, qui va aller aussi se décomplexer, qui va pouvoir aimer son corps, quoi. Ça peut être vraiment n'importe qui pose, donc pas de limite d'âge, physique et autres. Mais c'est ouvert, moi. Tu peux venir poser. Je vous ai compris, les 60 ans, les 70 ans, les 90 ans, vous avez le droit. Mais c'est clair, c'est ouvert à tout le monde, c'est comme le corps humain, faut l'aimer, et aimer votre putain de corps. Alors du coup, faut danser. Mais t'es la bienvenue, Iman, n'hésite pas. Ah, Iman, elle est en ovulation, là, on peut plus. Bah voilà. En ovulation, c'est un peu fort, mais bon. Vas-y, Iman, attends, je te sens. Ouais, j'ai un mot à te dire, parce que... Ah, si, il faut aller se montrer nu. Si, il faut aller se montrer nu. Et... Je disais, il y a quand même des bonnes blagues de 6-7, quoi. Voilà, c'était juste ça. Ok. Non, moi j'ai tendance à dire que l'amour sauvera le monde tous les mardis. Voilà, c'est ma punchline. Ouais, c'est mignon, mais je suis une utopiste convaincue. Du coup, je dirais bien que l'amour sauvera le monde, et encore plus à cette soirée qui a l'air vraiment top en fait. Parce que nous, tout ce que je ressens, c'est sécurité, plein de l'amour, c'est genre venez, on répand l'amour partout et juste venez kiffer, et voilà, ça peut être cool. Et c'était mon bonheur. Dans de bonnes conditions en plus. Donc voilà, n'oubliez pas les fruits à la fin de la soirée, vraiment, vous rendez pas compte à quel point ça fait plaisir. Trois fruits et légumes par jour. En tout cas, merci d'être venus. Merci à vous deux. Merci pour votre événement. Alors, je le redis, c'est le 24 novembre, Artefact numéro 3. Et écoutez, j'espère vous allez venir, j'espère que vous allez entendre parler d'eux et des artistes qui seront présents. Guillaume, si tu as un petit mot à rajouter à ce. Et moi, en tout cas, je vous remercie à tous d'être venus ce soir, que ce soit Diane, que ce soit Marine, que c'était ce une très belle soit émission. Baptiste. Je vous remercie vraiment d'être là. Peut-être que même vous pourriez vous remettre en relation pour Enclos Art. ça pourrait peut-être être intéressant et faire des choses magnifiques et pleines d'amour comme vous le veut Iman. Bien sûr, vous êtes les bienvenus hein, pour revenir parler de vos projets, parler de vous, parler de ce qui vous tient à cœur. Et puis on va peut-être clôturer cette émission. Je vous rappelle absolument de merci, excuse-moi, parce que là c'est le direct. Aussi aux techniciens qui sont là, Joe, oui, Robinson, équipe de tueurs présent, Camille et à notre chère Pauline, voilà, qui est de l'autre côté du bloc, voilà. Et puis remercie en fin de compte tous les invités, tous ceux qui ont fait cette émission, et c'est important. Et aussi d'apprécier le fait que Acceptable est venu, et c'est important. Merci à eux. Encore une fois, voilà, il faut le souligner. Que c'est important aussi de permettre quelque chose de pluriel et de visible et pas d'invisible. Et puis, on vous fait ciao et à tous ceux qui ne sont pas là, bravo. Et bien sûr, vous étiez sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond près du radiateur, 106.3 FM. Vous pouvez nous retrouver vendredi matin à 7h en rediffusion et bien sûr sur notre page Facebook dès demain si nos techniciens veulent bien, même dès ce soir. Mais c'est merveilleux, que de belles nouvelles aujourd'hui. Je pense que ça peut se faire, mine de rien. Ce soir, ce sera en rediffusion, c'est Paris. C'est direct, ça. Et on se dit... On se dit à la semaine prochaine. Et on peut dire aussi que tous les jeudis, il y a la RH d'Act Up Paris, voilà. Et vous savez que c'est important, la lutte contre le sida. Et puis, on salue Robinson parce qu'il va avoir 50 ans, paraît-il. Voilà, donc il est très jeune au niveau du technicien, 10 ans d'âge. Et puis surtout, on dit à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent, bravo, et puis continuez oui. Un peu de solidarité, voilà. Et un peu d'amour. Voilà, un grand merci à tous. On vous souhaite une excellente soirée. On vous dit à la semaine prochaine et plein de bisous. Bisous, à la semaine prochaine, Paris.